Mardi 18 septembre, midi, 7 ans de malheur. Je m'aperçois que je ne sais plus vraiment quelle date sommes-nous. Sommes-nous le 16, le 17, ou plus? Seuls les jours me servent à présent de repère. Aujourd'hui, je sais qu'on est mardi. Qui me dira la date? Ce matin, il y avait douche, comme tous les mardis, les jeudis et samedis matin. J'y retrouve, à 7h30, toute une partie de mes camarades de promenade. C'est souvent le moment où on s'échange des nouvelles et des petites choses. On se communique notre emploi du temps de la journée. Qui descend en promenade, qui restera en cellule, qui doit se rendre à un rendez-vous quelconque. J'y rencontre aussi, tel le renard et le chat, Habib l'assassin et Yassine le corse. Même à l'aube et sous la douche, ils sont pénibles ces deux-là. L'un d'abord, l'autre ensuite et enfin les deux ensemble me branchent avec insistance. Ils veulent du tabac, encore du tabac. La dose d'avant-hier ne les a pas comblés. Je m'en doutais bien. J'ai beau leur assurer que je n'en ai plus, mais ils insistent. La promiscuité, l'humidité et la crasse des murs me collent à la peau. Tout peut arriver ici, je le sais. Un mauvais coup est si vite parti. Et pas moyen de sortir non plus, les gardiens ne trouvent rien de mieux que de nous enfermer à double tour. Ils reviendront nous ouvrir tout à l'heure, quand ça leur chantera. Ouf, rien de grave. J'ai pu me laver et sortir en un seul morceau. Mais la pression a été forte. J'ai connu des bains plus relaxants. Je ne sais pas si jeudi, j'y reviendrai. J'ai le toto pour me chauffer l'eau, et j'ai déjà expérimenté la douche à l'ancienne, à la bassine. Je regagne ma cellule un peu dégoûtée. Je n'ai même pas envie de descendre en promenade. Je décide tout de même de me raser. C'est bien ma veine. Je ne sais pas comment je m'y suis pris. J'ai fait tomber le petit miroir de toilette que Patrick m'a laissé. Il était pourtant bien accroché au-dessus du lavabo. Maladroit que je suis. Sans être complètement en miettes, il s'est fondu de part en part, fracturé en trois parties. V'là bon pour ces temps de malheur. Mais ça, j'y suis préparé. Maintenant, il va falloir que je me serve d'un miroir brisé. Mon image se reflète en morceaux. Je tente d'ajuster mes coups de rasoir sans trop me couper. À propos de rasoir, j'ai complètement oublié Abou le River. Je vais lui en descendre un ce matin. L'autre jour, Noël Le Black m'a confié le jeu d'échecs que nous avons fabriqué. Je vais le prendre avec moi. Avec un peu de chance, peut-être descendra-t-il ce matin. Mais j'en doute. Noël n'est pas un lève-tôt. C'est décidé, je me prépare et je descends. Ça me changera les idées. Derrière moi, sortant de sa cellule, Ali le Comorien m'a rejoint. Il m'invite à faire du sport avec lui. Voilà qui me motive. Nous descendons ensemble. Je ferai un peu de sport, bien que j'ai mal au dos. Dans la cour, je retrouve aussi Bébert le Sicilien, qui a apporté ses mots fléchés. Il a fait grand soleil. Avec tout ça, j'ai passé une excellente matinée. C'est donc ainsi que j'inaugure mes 7 ans de malheur.